ça a été à chaque fois un peu utile. Cette fois, je sais plus, on prenait 36 points. Au milieu, il faut pas. Il faut te retirer, ben, voilà, à droite.